3, 2, 3. Yo pwap te koucha dan mi tan de san breve. Yo jen bebe kem neyen ke ou ma chwa file. Le bebe wèm tèt sote. Tan de san prive. Le bebe wèm tèt sote. Tan de san prive. Di pwap wèm vekse li di chou chou se pa vwe. Mwen mèm mwen pwap wèm fache m soti pou m frape. Bebe bien nan travi. A tou wèm plaki. Bebe bien nan travi. A tou wèm plaki. Macho a te bien nan mèl rale pou l tire. Mwen mèm mwen talman sote vole mal tombe. Mwen se sok wèm sove. Mwen vin reveye. Monsieur Sokwak sauvé. Moi vite réveillé. Monsieur Sokwak sauvé. Moi vite réveillé. Monsieur Sokwak sauvé. Moi vite réveillé. Nous aimons les m'apprécier. Bah. Puisque nous voulons le consacre, je cherche moi pour dire des petits mots. Faut me dire nos bagailles quand même. Je ne vais pas être inactif pour me dire nos bagailles. Faut me dire nos petits bagailles quand même. Adieu. Timon. Timon. Je vais pour respecter, oui. Timon, ouais. C'est ton petit garçon qui est le DJ. Attendez, ouais. Ah. Yo, je pas parler le promener avec lui. Maintenant, vous regardez à gauche à droite. Je me suis regardé, je me suis regardé. Ça, à gauche à droite, la fille, la regardé. La regardé, la chasse, je ne sais pas comment ça va. Ay un bel ti petit, un bel ti fi. So we petit la. Petit la belle. Petit la soie. Belle petit. Mais c'est vous la petite, c'est notre travail. Ils ont dit, ils ont travaillé. Les verres pour lire petit, yo va la ouelle. Yo va voir. Tu veux redoubler? Yo dit papa. Papa, comment? Ici dans New York, pas qu'un bon. Papa met tête droite, papa fait pour elle pas attendre. Papa bien mauvais, papa ramasse cactel libre. Si je dis papa, ça va m'en parler, oui papa. Ici dans New York, pas d'importe. Aïe aïe aïe, papa réfléchit sur bagay là. Papa dit, mais comment? Ça passe petit à tout va poser une telle question. Oh oui, ici dans New York, pas d'importe. Ça passe là, pour qui ça pose une question ça. C'est notre bagage de fait pas bon ou comment? Il a fait notre bagage qui pas bon ou comment? Papa arrive là, Kaïli. Alors tu joues avec un grand frère là. Un grand frère là continue à la bouillie. Comment c'est pas mon qui caliente? Ou comment non? C'est mon qui sous maïto. Papa dit mais, il y a ma pache à Tijojo. Tijojo pose une question. Question drôle. C'est vrai que son drôle, pas expliquer de bagaille ça. Oh! Papa est à réfléchir toujours. Papa calcule la foule et puis la calcule. Il est bon, il est dans l'air, la carte en bas. C'est étonnant pour qu'il arrive à poser une telle question pareille. La pointe, c'est pas lui-même qui nous fait quelque bagaille qui passe ça. À la fin, papa dit non! Bon. Qu'on raison que fait toujours je pose une question ça. Qu'on raison, hein? Une raison. L'aide en pension en Haïti, c'est bonne qui te occupe, qui te servir. C'est ça que fait là, il fait poser une question ça. Même si on l'autre bagaille d'être vie, il y a l'autre bagaille d'être vie. On l'autre bagaille d'être vie. Ça me la pensée là. passé là. Eh ben, oui, oui, petit point. Ici, nous avons Gabon. Gabon. Pas moi qui ai belle petit point. Maintenant, nous avons petit point. Yo, paye cher pour petit point, oui. Ah. Ah, bon, bon. Mon dernier bagage, ben, ben. Même quand nous avons dernier bagage. Ma présoute dit que pas d'abord, mais la question, c'est ça fait l'autre jour. Mettez-vous dormi en bas dans le premier floor. Ouvrez-moi un roulé, montez. Voilà le sixième floor. Voilà le sixième floor. Voilà le congé qui est bon. Intelligent. Intelligent. Monsieur sans quoi être sauvé, moi vite réveillé. Monsieur sans quoi être sauvé, moi vite réveillé. Monsieur sans quoi être sauvé, moi vite réveillé. Monsieur sans quoi être sauvé, moi vite réveillé.